Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Donner de la voix, votre émission engagée et citoyenne sur Fadjet 94.2. Un quart d'heure d'entretien avec un membre d'une association de votre région pour vous donner envie de vous engager. Et aujourd'hui, les Petits Débrouillards, association visant à promouvoir l'esprit critique par un projet éducatif et solidaire autour des sciences. Avec Axel Marteler, administrateur interrégional et national, bénévole de l'association des Petits Débrouillards Grand Est. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin. Bonjour Axel Marteler. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur le projet des Petits Débrouillards. Et justement, est-ce que vous pourriez nous présenter l'association Les Petits Débrouillards et ce projet justement ? Alors c'est toujours le grand défi de présenter les Petits Débrouillards. Donc les Petits Débrouillards, c'est une association d'éducation populaire qui a comme objet de promouvoir la démarche scientifique et la démarche expérimentale dans un but d'éveil de l'esprit critique et donc de la citoyenneté au niveau de tous les publics. Historiquement, on travaillait plus avec les enfants. Aujourd'hui, on s'est vraiment diversifié. On travaille avec tous les publics possibles et inimaginables, du grand public au scolaire. Et on fait des cafés sciences, on essaye de mettre en relation des chercheurs avec les citoyens et ainsi de suite. Donc vos missions sont principalement éducatives. C'est ça, on est vraiment au cœur de notre association, c'est l'éducation aux sciences, l'éducation à la citoyenneté, mais par justement cette démarche scientifique qui fait un peu notre particularité. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous trouver à Nancy ? Alors à Nancy, ça tombe bien parce qu'on vient d'ouvrir un tiers-lieu qui se trouve 5 avenues de Metz. Donc c'est une impasse, même si c'est une avenue. Donc c'est un tiers-lieu qui s'appelle La Piscine, qui regroupe aujourd'hui plusieurs associations. Et donc c'est ouvert à tous. Le principe, c'est que vous pouvez venir, vous pouvez découvrir un peu nos outils, discuter avec nous. Et donc le tout gratuitement. Et donc, si vous avez envie de vous engager derrière, que ce soit en service civique, en bénévole, en vacataire et compagnie, vous pouvez assez librement venir, ne serait-ce que discuter avec nous pour nous découvrir. Et je suppose que vous avez un site internet où les auditeurs pourraient retrouver tous ces renseignements. Alors on a beaucoup de sites internet, c'est un peu le défaut de notre communication, mais sur www.lespetitsdebrouillards.org, qui est le site national, qui ensuite redispatche sur les antennes locales, qu'elles soient interrégionales ou simplement, on va dire, municipales. Oui, c'est-à-dire que vous avez des antennes en région qui fonctionnent en réseau, c'est ça ? Vous m'avez dit qu'il n'y a pas une fédération proprement dite. Alors c'est ça, nous on refuse un peu le système de fédération qui est un système un peu hiérarchique. On est plus sur une mentalité coopérative, donc on a une association nationale, mais on a surtout des associations interrégionales et régionales qui, elles, sont actives sur le territoire, partent des problématiques des territoires. Et donc, ces associations se composent d'antennes un peu partout sur les différents territoires, donc de l'ultra-local à du départemental. Et sur Nancy, comment fonctionne l'association des Petits Débrouillards ? Est-ce que vous avez des bénévoles, des salariés ? Alors, on a une association qui essayons de promouvoir un minimum de ne pas précariser nos membres. Donc, on a beaucoup de salariés donc, qui sont sur différentes missions, qu'elles soient administratives au niveau national ou sur des missions de développement, de coordination pédagogique, d'ingénierie pédagogique. Et ensuite, la majorité de nos animateurs sont vacataires, donc ils font une semaine de formation et ensuite, ils sont payés à l'heure. Et vous, quel est votre travail particulièrement ? Alors, moi, je suis beaucoup de choses, mais je suis principalement, du coup, administrateur au niveau régional et donc national aussi, puisque je fais la représentation de la région au niveau national. Moi, particulièrement, je suis sur toutes les questions de formation pour nos animateurs, mais également pour nos salariés. Et je fais aussi de l'animation pour garder un peu le sens du terrain. Oui. Et ne pas prendre la grosse tête en tant qu'administrateur. Ne pas perdre ce contact avec le public. Et justement, à quelles actions particulièrement, en contact direct avec le public, avez-vous participé ? Alors, Donc là, c'est justement, ça va être le lancement. Tous nos animateurs sont en formation cette semaine pour un dispositif qui est annuel, qui se passe tous les ans, tous les étés, qui s'appelle les Cités des Brouillardes, qui est par exemple un cycle d'animation d'une semaine, gratuit, et on fait ça en bas des immeubles pour tous les enfants en fait, qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc on installe nos tentes, on a des tentes pneumatiques, on s'installe, et là cette année par exemple on va être sur les thématiques de transition éco-énergétique et sociale. C'est-à-dire que vous abordez des sujets globaux qui sont extrêmement larges et au cœur de l'actualité. Bah pour le coup on a l'avantage, comme on a choisi on va dire les sciences comme outil de travail, on aborde pas seulement ce qu'on appellera les sciences dures mais les sciences sociales, les sciences politiques. Et donc, c'est beaucoup plus large que les sciences dures. Oui, c'est ça. Là, on est beaucoup sur les sciences sociales là, depuis 2 ans avec une campagne nationale sur Être humain, vivre ensemble, développée avec la fondation Lilian Thuram. Mais ça fait quelques années déjà qu'on a amorcé cette transition justement sur les sciences sociales et de la psychologie, de l'écologie, vraiment toutes ces questions sociétales. Et on essaye de rebondir aussi d'avoir une forte réactivité sur l'actualité et les problématiques. Et justement, de telles thématiques, lorsque vous en parlez avec des jeunes, comment est-ce qu'ils réagissent ? Comment se déroulent les interactions avec eux ? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, contrairement à beaucoup d'autres acteurs qui font un travail qui est fantastique, mais qui n'est pas dans la même démarche que nous, on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans le débat et faire émerger en fait des questionnements pour qu'on avance en fait. Donc autant des fois on a un peu de mal à faire émerger certaines questions, autant de manière générale cette prise de parole libre sans jugement, mine de rien, elle permet à chacun de s'exprimer facilement dès le plus jeune âge, puisque on est vraiment sur la promotion aussi que c'est pas parce qu'un enfant a 6 ans qu'il n'est pas capable de s'exprimer, même sur de la politique, sur des choses qu'aujourd'hui on estime trop complexes pour lui. Il a un avis. Alors oui, il sera moins alimenté que l'avis de certains experts, mais il a des choses à dire. Et on est vraiment dans cette démarche que tout le monde a des choses à dire et tout le monde doit avoir le droit de les dire. Tout un chacun peut apporter sa pierre au débat, finalement. C'est ça, c'est l'essence même... l'essence même des petits débrouillards, hein, puisque même nous, en interne, tout le monde n'a pas de formation scientifique. D'ailleurs, assez peu de personnes chez nous ont des formations scientifiques. Tout le monde vient avec son bagage et construit, propose des nouvelles choses, propose des nouvelles animations, des nouveaux projets, et on essaye de construire tous ensemble autour de ces nouvelles problématiques. Et ce public, je pense notamment aux jeunes, puisque c'est eux qui sont, je pense, peut-être les plus en prise avec le caractère éducatif de votre entreprise. Ces jeunes, est-ce qu'ils viennent de tous les milieux ? Je pense notamment socio-professionnels ou... Alors, on essaye au maximum de promouvoir la mixité sociale. Après, c'est vrai que nos domaines d'intervention principaux, c'est quand même ce qu'on va appeler les quartiers populaires de la ville, les quartiers politiques de la ville. Donc, c'est vrai que là, on a assez peu de mixité sur ces quartiers-là. Après, on fait des interventions en milieu ruraux avec des dispositifs comme le Science Tour, qui sont des camions aménagés en labo mobile. On fait du grand public sur des événements comme la Foire Expo de Nancy. Donc énormément de projets assez vastes pour essayer de toucher le plus grand nombre finalement. C'est ça. Et de votre côté, Axel Marteler, je souhaitais vous demander pourquoi vous avez pris cette décision de vous engager et pourquoi de cette façon-là ? Mine de rien, on va dire l'éducation populaire de manière générale, j'en faisais depuis, on va presque dire tout petit. J'avais pas un mot à mettre dessus. Et je suis arrivé en service civique il y a 6 ans au Petit Débrouillard. Et ça m'a plu. Et c'est une association qui donne sa chance à tout le monde. Hein, je suis jeune, j'ai 26 ans. Et assez peu d'associations permettent à des personnes de 26 ans de devenir administrateur, ne serait-ce qu'interrégional. Alors, imaginons, international, non, national, c'est déjà bien. Oui. Et cette volonté de développer l'esprit critique avait de l'importance pour vous ? Oui, parce que en fait, ça faisait, depuis tout petit, j'ai toujours été très curieux et assez rapidement, je me suis engagé politiquement et ainsi de suite. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi les gens ne réagissent pas? Il y avait des choses qui, moi, me scandalisaient. Et le fait de me dire, mais pourquoi les gens ne réagissent pas, ça a été un grand conflit intérieur de me dire, mais zut. Et finalement, pour vous, l'esprit critique, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une espèce d'étincelle pour éclairer le débat public? C'est plus que ça, pour moi, l'esprit critique, c'est la base de la démocratie. Mmh. C'est vraiment, sans esprit critique, on ne peut pas avoir une démocratie pertinente où des gens vont accepter, on le voit aujourd'hui, hein, avec des décisions qui vont à l'encontre des populations et des populations qui ne réagissent pas. Aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi ils ne réagissent pas? Et c'est justement par ce manque d'éducation à l'esprit critique, aux médias et ainsi de suite. Oui, c'est finalement l'esprit critique qui permettrait de lutter contre ce que l'historien Marcel Gauchet appelle la désertion civique, finalement. Bah, c'est ça, pour nous, c'est à partir du moment où on commence à se poser des questions, à remettre en cause des choses qui sont admises comme normales, bah, finalement, on commence à avancer et à évoluer, quoi. Et finalement, cette vision d'un esprit critique capable de faire émerger de nouvelles idées dans le débat public, on n'est pas loin de l'esprit des Lumières apparemment. En tout cas, je voulais vous poser cette dernière question, puisque nous arrivons malheureusement au terme déjà de cette émission. Je voulais vous demander, Axel Marteler, qu'est-ce que l'engagement civique pour vous? Moi, je pense que... Enfin, j'ai un grand problème avec le singulier. Pour moi, tout est pluriel. Mmh. Pour moi, il y a différentes façons de s'engager. Et ça part du petit geste quotidien de certains qui se disent « Tiens, si je ramassais un déchet par jour sur le chemin du travail, c'est déjà un engagement civique. » Et on n'est pas obligé d'aller dans des assos et de militer et ainsi de suite pour s'engager au niveau civisme. C'est... chaque petit geste du quotidien dans le but juste d'améliorer le monde dans lequel on vit. Pour moi, c'est simplement ça, l'engagement. Mmh. L'engagement, c'est finalement la diversité et non plus la globalité. C'est ça. Merci pour ce message, Axel Marteler. Ça a été un plaisir de vous recevoir et de discuter du projet des petits débrouillards. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne semaine engagée. Donnez de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin.